Ensuite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Utopia, architecture et utopie, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a d'abord, pour commencer, une semaine de programmes spéciaux sur France Culture consacrée aux explorateurs qui nous emmènent de Tintin à Mortefontaine en Picardie, en passant par la reine des égyptologues. Et dans ce cas précis, elle nous entraîne à la poursuite de ces lieux et de ces espaces où l'on imagine un avenir meilleur, de cette part de rêve qui se niche dans la façon qu'on a d'imaginer la ville, la maison, voire même la prison. Et il y a donc aussi, au départ de cette série, ces rêves cauchemardesques d'îles artificielles où l'on pourrait se réfugier, mais où l'on pourrait aussi se mettre à l'écart du commun. Alors pour commencer, les personnages. Les libertariens, de jeunes entrepreneurs à qui tout semble sourire, Thomas More, des architectes, un ambassadeur d'un pays qui n'existe pas, un auteur, un historien, un ministre du logement, un architecte académicien qui vit sur l'eau, des parasites, des créateurs qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Ensuite, le décor. Une Silicon Valley de la mer, une nouvelle société, des systèmes sociaux à l'essai, la Startup Nation, l'île des Utopiens, la baie de Monaco, le réchauffement climatique, Hong Kong, la Polynésie, des câbles de fibre optique, des lagons, des hôtels sous-marins, un paradis fiscal, un refuge pour les grands cerveaux et finalement, le yacht. Aujourd'hui, deuxième épisode, la conférence a commencé. When we listen to the sea, quand on est attentif à la mer, on comprend quels sont nos impératifs moraux. Nourrir les gens, enrichir les pauvres, soigner les malades, purifier l'atmosphère, nettoyer l'océan, vivre en harmonie avec la nature, trouver une énergie durable, arrêter la guerre. Je veux vous parler de 8 aquapreneurs qui ont décidé de répondre à ces impératifs moraux en construisant des cités flottantes. Cliquez sur les thèmes ci-dessous et laissez-nous vous convaincre de rejoindre notre communauté de structures flottantes. Larguer les amarres, s'installer loin du monde et de ses fracas, et recommencer à zéro. Si on vous disait qu'une poignée d'ultralibéraux a pour projet de s'établir dans les eaux internationales pour créer des micro-états-nations, des structures flottantes que l'on pourrait pluguer et dépluguer à volonté, au gré d'accointances politiques et de communautés de vues, loin des formes gouvernementales obsolètes dans lesquelles nous sommes prisonniers. Si on vous disait ensuite que les fondateurs de ce projet ne sont pas quelques illuminés, mais au contraire un ingénieur de chez Google, qui plus est le petit-fils du très libéral économiste Milton Friedman, ou encore le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal. Utopique et dérisoire, diriez-vous, mais pas tant que ça, car le projet vient de trouver asile dans les lagons de la Polynésie française, oui oui, à Tahiti, et fait l'objet des toutes premières études de faisabilité. Alors, c'est à se demander si Thomas More, l'auteur de la célèbre Utopie au XVIe siècle, ne serait pas revenu d'entre les morts. C'est à se demander pourquoi l'île, cette entité affranchie des contraintes du monde, est encore et toujours le terrain fertile de nos imaginaires politiques, même pour les plus libéraux. Silicon Valley sur mer, Camille Jusa, Guillaume Baldi. Chaque année, nos voitures deviennent plus sûres, nos téléphones plus intelligents et nos traitements médicaux plus performants. Alors pourquoi, ici, dans l'un des pays les plus avancés du monde, on se sert toujours de l'arsenal légal de 1787? Car enfin, si vous conduisiez une voiture de 1787, ce serait un cheval. Patrick Friedman, novembre 2010. J'imagine que les avancées des deux derniers siècles ont certainement dû mettre en avant de meilleures formes de gouvernement. Certes, les fondateurs de l'Amérique étaient brillants, mais ils ne pouvaient pas imaginer un système politique utilisant Internet puisque ça n'existait pas. Alors pourquoi ne voyons-nous pas plus d'innovation en politique? La politique est un sujet très chargé, émotionnellement. Nous ne sommes pas censés en parler, pas plus que de religion. Mais adoptons une nouvelle perspective. Oublions la gauche et la droite et mettons nos casquettes d'entrepreneurs. Pensons au gouvernement comme à une industrie où les pays seraient des entreprises et les citoyens des clients. Mais bon, ce n'est pas juste une industrie, c'est la plus grosse industrie du monde. L'entreprise leader a eu 2,5 milliards de revenus en 2009. Et, étrangement, cette industrie est légendaire pour ses mauvaises performances. Cette même entreprise leader a perdu 1,4 milliard de dollars. Et c'est une des meilleures. Les pires entreprises tuent carrément leurs clients. C'est une industrie très triste. Et pour l'humanité, c'est un vrai problème. Mais avec nos casquettes d'entrepreneurs, quelle opportunité de business aussi. Un pays start-up pourrait être le premier business à 1 milliard. Pas mal, non ? Stéphane Legrand, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Ayn Rand. Ayn Rand, femme capitale, c'est une romancière américaine d'origine russe à très très grand succès aux États-Unis et c'est la figure qui a et continue beaucoup d'inspirer ce qu'on appelle le libertarianisme, ce courant de pensée des libertariens. Qu'est-ce que sont les libertariens ? Le libertarianisme, c'est une nébuleuse assez vaste, hein, qui inclut des positions qui peuvent être antithétiques sur pas mal de points. Ça va de l'anarcho-capitalisme, qui refuse complètement toute forme d'institution politique, d'institution étatique, jusqu'à des revendications d'un État simplement minimal, réduit à des fonctions administratives, de police et judiciaire. Donc c'est une nébuleuse, vraiment. Hein, c'est un nuage plus qu'un courant dont on pourrait déterminer précisément les contours. On peut définir une espèce de contenu général ou de contenu minimal. Évidemment, le primat absolu de l'individu, une vision rigoureusement atomistique de la société dans laquelle la seule réalité, c'est l'individu. L'individu avec le droit inaliénable qu'il a sur sa propre personne et sur les produits de son travail. Et donc une exigence plus ou moins radicale de dérégulation complète de l'économie et de la société, parce que les libertariens sont généralement libertaires en matière de mœurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les relations entre individus sont régulées par des formes de contrats, c'est ça ? Absolument. Ça veut dire que, dans certaines formes extrêmes, comme les théories du capital humain, Gary Becker en est un bon représentant, toutes les formes d'activité humaine, de relations humaines, doivent pouvoir être, si j'ose dire, codées en termes économiques. Des gens qui vont vous expliquer que la criminalité est un marché, qu'il faut la traiter comme un marché, que le criminel est un offreur de crimes, et que l'action policière est produit une demande négative de crime. Des gens qui vont jusqu'à écrire que l'amour maternel peut être conçu comme un investissement à long terme dans l'enfant dont on attend un rendement productif à terme. Donc, l'intégralité de l'existence humaine pourrait être pensée en termes économiques. Je m'appelle Joe Quirk, je suis l'auteur du livre sur les structures flottantes avec Patrick Friedman et le porte-parole du Seasteading Institute. Le plus excitant avec ce projet, selon moi, ce sont toutes ces idées auxquelles on n'a pas encore pensé et toutes ces choses qu'on ne connaît pas encore et qui sont là, parmi 7 milliards de cerveaux, et toutes ces solutions pour les problèmes les plus pressants de l'humanité. Mais voilà, il y a 193 nations qui ont le monopole sur 7 milliards d'individus. Les Seasteaders sont agnostiques quant au système politique qui pourrait marcher dans le futur. Notre but est de créer une Silicon Valley de la mer avec des tas de structures flottantes, j'espère des milliers un jour, qui seront en compétition pour attirer des habitations et inventer le meilleur système social pour attirer les personnes les meilleures. Pourquoi ne pas donner à vos opposants politiques la possibilité d'essayer leurs idées sur une structure ? On pourra rire des fiascos ou bien apprendre quelque chose si quelque chose de surprenant marche. J'adorerais voir un système socialiste essayer ses idées. J'adorerais voir un système anarcho-capitaliste essayer ses idées. J'aimerais voir des systèmes politiques que je n'ai jamais vus, essayer leurs idées. J'aimerais les voir attirer différents types de gens, voir différents idéologues sur différentes structures flottantes. Et sur ce marché de la gouvernance, nous découvririons les meilleures solutions pour vivre ensemble. Je crois que si plus de gens comprenaient le pouvoir des structures flottantes pour régler les problèmes qui les concernent, nous pourrions changer le monde. Alors, il se trouve qu'on trouve beaucoup de libertariens en Californie. Pour des raisons assez facilement compréhensibles, le prototype, si je peux choisir le héros mythologique du libertarien, c'est l'entrepreneur innovant, c'est le créateur qui, à partir de rien, produit une révolution qui va tout bouleverser. Et c'est l'idée que c'est à ces gens-là qu'il faut justement laisser la place et la pleine possibilité, encore une fois sans régulation ni borne, d'exprimer leur puissance créative qui va nécessairement bénéficier à l'intégralité de la société. Non pas parce que lui le souhaite, lui il agit en tant qu'entrepreneur pour des motifs capitalistiques, mais inévitablement par une espèce d'harmonie préétablie, toute la société va bénéficier de son invention. Et évidemment, Silicon Valley c'est l'incarnation de ça, l'incarnation du type, l'idée ou du fantasme du type qui dans son garage invente un bidule extraordinaire qui va révolutionner nos existences à tout jamais. Je pense que ces gens de la Silicon Valley, ces néo-milliardaires à lunettes, hein, comme on les surnomme, s'identifient eux-mêmes beaucoup à cette figure héroïque de leur propre existence. C'est-à-dire que c'est des gens qui, deux ans après avoir soigné leur acné, ont 10 milliards de dollars en banque, et se voient comme ce prototype, cette espèce de héros mythologique du capitalisme moderne. Donc les idées libertariennes prennent forcément très facilement auprès d'eux. The problem is, right now, there's no way for an entrepreneur with a great idea for a startup country to make it happen. Le problème maintenant, c'est qu'un entrepreneur qui a une vraie idée de nation start-up n'a aucun moyen de la faire exister. Contrairement à l'industrie du software, où tant de gens ont démarré avec un simple ordinateur. Pour construire une industrie gouvernementale, vous avez besoin d'un espace physique qui permette ces expérimentations. Mais il n'y a pas de place. Chaque morceau de cette terre est occupé. Donc, il n'y a pas de nation start-up. Il n'y a pas de possibilité d'innovation pour les entrepreneurs. C'est comme ça que nous en arrivons aux structures flottantes, au fait d'habiter des structures en haute mer. Ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle frontière, un territoire ouvert pour des expérimentations politiques. Et la prochaine frontière, c'est l'océan. Avec quelques innovations techniques pour faire que cette frontière soit accessible, nous pourrions susciter de grandes innovations politiques, laisser fleurir des milliers de nations en haute mer, essayer différents systèmes politiques, des start-up pour gouvernement. Et bien sûr, nul besoin de se déplacer jusque-là pour en tirer les bénéfices, car les découvertes de ces start-up, comme pour n'importe quelle industrie, seraient copiées par les leaders du marché, les pays d'aujourd'hui. Voilà, les structures flottantes seraient une manière entrepreneuriale d'améliorer les gouvernements en entrant en compétition avec eux plutôt que de s'en plaindre. C'est pourquoi le Seasteading Institute va se nourrir de notre communauté de pionniers et poursuivre ses recherches en ingénierie, business model et droit international. On sait bien, ou en tout cas de notre point de vue traditionnel, une constitution, ce n'est pas une technologie. La constitution américaine, elle commence par « we the people », nous le peuple. Allons établir la justice, assurer le bien-être, etc. Pour lui, c'est pas du tout ça. Ça voudrait dire que c'est un consensus qui définit les conditions du vivre ensemble et d'un accord éventuel des libertés, etc., etc. Non, pour lui, c'est une technologie. Et si c'est une technologie et qu'elle date de 1787, elle est obsolète. Donc, il faut en trouver une meilleure. Le gouvernement ou la technologie gouvernementale, pour poursuivre son idée, il faut la concevoir comme une branche industrielle. Il faut concevoir les nations comme des firmes. Il faut concevoir les citoyens comme des consommateurs qui sont en demande de ce produit qu'est un type donné de gouvernement. Donc, pour pouvoir produire un nouveau produit qui marquera, qui montrera l'obsolescence des formes existantes, donc par exemple de cette technologie de 1787, il faut pouvoir expérimenter sur des hommes et des territoires. Comme les États les monopolisent, il faut en créer. Et de là, c'est comme ça qu'il justifie très précisément son projet d'île flottante, d'îlot, là, comme ça, de plateforme où on va regrouper des gens. On va le faire pour y expérimenter des formes de gouvernement, nous dit-il très explicitement dans cette conférence. Il veut qu'il y ait une espèce d'archipel, il nous dit des milliers, comme ça, d'îles flottantes répandues sur l'océan, donc dans les eaux internationales, soustraites aux taxations et régulations étatiques, où on va expérimenter sur chacune d'elles une forme de gouvernance différente. On aboutira forcément du coup, c'est comme une espèce de gigantesque laboratoire ultralibéral à ciel ouvert, qui nous permettra de dégager les formes de gouvernance les plus efficaces, et du coup de les réintroduire, évidemment sur le reste du territoire, comme un produit qu'on proposera sur un marché. Il nous dit, pour l'instant, ça n'est pas le cas, parce que, c'est son expression, je le cite, la nation start-up n'a pas encore d'espace pour s'expérimenter. Alors, ça, c'est en 2010 qu'il nous dit ça. Vous voyez que l'idée a fait son chemin et qu'il y a des gens de maintenant qui sont en train d'essayer de faire venir ça sur le territoire et d'essayer d'expérimenter en dehors de ces îles qui n'existent pas encore. La nation start-up. Friedman dit un truc qui est très intéressant. Il dit il faut désormais entrer en concurrence avec l'État au lieu de seulement s'en plaindre. On peut juger que c'est un peu fou à certains égards, mais c'est très intéressant et significatif en tout cas. Il faut s'en aller. Si on s'en va, qu'on fait, nous, nos sociétés, nos contre-sociétés de libertariens, de notre côté, sur l'océan, par exemple, on va fabriquer des produits meilleurs, des formes gouvernementales meilleures. Et comme il nous dit, il faut mettre notre casquette d'entrepreneur, nous dire que certes, c'est triste que les États soient en faillite pour les citoyens, mais en même temps, c'est une opportunité de business formidable. Je le cite encore. C'est une opportunité de business formidable parce qu'on n'a qu'à créer des produits qui satisferont mieux les consommateurs, à savoir les peuples. L'île des Utopiens, par le milieu où elle est la plus large, à 200 000 d'étendue, et n'est guère plus étroite partout, sinon que vers les deux bouts, tant d'un côté que de l'autre. Petit à petit, elle s'étrécit. Entre ces deux bouts, qui délimitent les extrémités d'une sorte d'arc de cercle de 500 000 de circonférence, l'île tout entière apparaît sous la forme d'un croissant de lune. Cette terre, au temps passé, n'était pas sainte de mer. Mais Utopus, dont l'île porte le nom en tant qu'il en fut vainqueur, car auparavant elle était appelée Abraxa, et qui introduisit ce peuple rude et agreste à un tel degré de culture et d'humanité que maintenant il surpasse presque tous les vivants, dès sa première arrivée, conquit cette terre et demeura vainqueur. Puis, du côté où elle se joignait à la terre voisine qui n'était point île, il en fit couper 15 000 et fit passer la mer tout autour. L'Utopie, Thomas More, 1516. Bernard Toulier, vous êtes conservateur général du patrimoine. Vous avez été, entre autres, le commissaire d'une exposition à la Cité de l'Architecture qui s'appelait « Tous à la plage ». On a sous les yeux un photomontage assez étonnant dans la baie de Monaco, où face à la baie, d'immenses structures flottantes en forme de nénuphars flottent, sont là. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette image et le projet de Vincent Calbeau, cet architecte ? Oui, c'est donc un photomontage réalisé lors d'un concours qu'avait organisé le prince pour développer sa ville et sa principauté. Et là, les circonstances sont intéressantes parce que on a là le mariage d'une réalité avec une utopie. La réalité, c'est que les territoires balnéaires aujourd'hui sont dans certains cas surpeuplés, très densément peuplés aussi, la densité est très importante, et donc il reste plus que trois solutions. Construire en hauteur, construire également sous terre, c'est dans ces deux cas-là que représente la principauté, ou construire sur la mer. Donc les projets organisés par son père, le prince Rainier, avaient déjà travaillé avec Cousteau, etc., et organisé une première grande consultation internationale, et là, une deuxième consultation en 2008, toujours pour les mêmes raisons, se font à Monaco pour essayer de savoir comment loger la population balnéaire, la population de divertissement, mais aussi la population qui fait le quotidien de la ville. rentre en jeu un architecte belge utopiste qui propose, pas totalement dans le cadre du concours, mais bon, on va dire que c'est dans le cadre du concours quand même, c'est pour l'histoire, et donc il propose donc une ville flottante. Cette proposition est loin d'être utopique, puisque d'autres architectes, dans les mêmes circonstances, avaient proposé des îles flottantes dans les années 60 déjà. Donc la proposition de 2000 n'est pas révolutionnaire. Et c'est une ville autonome qui est flottante et qui permet de pouvoir s'ouvrir suivant les vents et les tempêtes, et de s'ouvrir également au soleil et à la nature, et de s'auto-suffire. L'agriculture qui est développée dans ces îles permet de vivre en autosuffisance, et un petit port qui est visible ici à chaque fois permet donc d'avoir une liaison par bateau avec le reste du monde. Ce qui est intéressant peut-être dans l'utopie, c'est que ça permet d'avoir certes une réponse utopique à des propositions présentes, et donc ces propositions déjà de la Renaissance de Thomas More étaient déjà des propositions utopiques de vivre dans des îles en autarcie par rapport aux différentes communautés religieuses, civiles, et qui étaient en guerre entre elles. Et là, la guerre de l'écologie commence à s'amener et on a des propositions. Mais la même proposition, ce qui est plus intéressant encore, le même architecte Caillebeau, avec la même structure, dit aujourd'hui « Non, c'est pas pour les personnes qui sont en villégiature à Monaco que j'ai fait ça, c'est pour les réfugiés climatiques. » Et donc on voit bien que l'utopie s'associe toujours avec les idées du jour pour faciliter la compréhension de l'utopie. Mais c'est toujours quand même une utopie. Donc on change simplement de prétexte, et aujourd'hui on va dire que c'est pour les réfugiés climatiques, demain ce sera peut-être pour d'autres types de circonstances, mais l'important c'est quand même l'utopie. C'est d'avoir une étendue intellectuelle de conception qui permette de voir comment vivre ailleurs, avec quel esprit vivre ailleurs, pour mieux peut-être comprendre comment on peut vivre dedans. Over the second half of the 20th century, developmental economists have discovered. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les économistes spécialistes du développement ont découvert le miracle des îles. Souvent, quand une île ou une péninsule se sépare d'un pays plus grand pour former une nouvelle nation, les pauvres s'enrichissent de manière époustouflante. Hong Kong est une petite péninsule entourée de quelques îles. En 1960, sa population représentait moins d'un 0,5% de la population chinoise. Cette mouche sur le dragon est devenue autonome et a expérimenté de nouvelles règles. Entre 1961 et 1997, le PIB de Hong Kong a été multiplié par 180. Aujourd'hui, Hong Kong a l'un des PIB les plus élevés du monde, l'une des espérances de vie les plus longues, abrite la plupart des gratte-ciels. Et les gens qui vivent dans ces gratte-ciels se rappellent l'époque où il n'y avait là que des petits villages. Prenons maintenant un exemple africain. En 1975, 140 millions d'Africains vivaient sous le seuil de pauvreté. En 2000, c'était 360 millions. Pendant ce temps, Maurice, une petite île au large des côtes africaines, a obtenu son indépendance de l'Angleterre. En 1975, 40% des Mauriciens propriétaires vivaient dans la pauvreté. En 2010, c'était moins de 2%. Et en 2011, 87% des Mauriciens étaient propriétaires de leur maison. À l'île Maurice, les adolescents qui coupaient la canne à sucre sous le soleil portent aujourd'hui des costumes et ont des rendez-vous avec des banquiers venus d'Inde. Il semble qu'à chaque fois qu'une nouvelle île-nation est créée avec de nouvelles règles, fondées sur des connaissances modernes, les pauvres créent leurs propres richesses, mettant directement leurs enfants dans des écoles. L'océan nous invite à nous confronter aux impératifs moraux essentiels. Arrêtez de nous battre. Today's governments hold a lockdown on so many solutions, causing citizens to fight over which single. En 2014, 8 ans après son lancement, tempête sur les skiffs. Peter Thiel, le fondateur de PayPal et premier investisseur, quitte le navire, se désintéresse du projet. Mais loin de faire couler l'affaire, le Seasteading Institute attire soudain 1001 chercheurs, spécialistes d'énergie sous-marine, d'architecture autosuffisante ou encore de la montée des eaux. Chez les fondateurs, on met alors la sourdine sur l'aspect marché de la gouvernance et darwinisme politique. Et on vire incubateur de start-up, agrémenté d'un nouveau vernis, sauver la planète. Cliquez sur l'issue que vous care about below. And maybe we can convince you to join our growing seasteading community. Quand on voit la conférence de Friedman et qu'on voit après la manière dont le site présente le projet, là tout d'un coup c'est plus du tout un business model, c'est on va sauver l'humanité. C'est littéralement on va réduire la famine, enrichir les pauvres, guérir toutes les maladies. C'est assez. On a l'impression que c'est une espèce de business plan, mais qui aurait été monté par Gandhi, quoi. C'est assez étrange. Alors mon premier réflexe de vieux gauchiste, ce serait de dire bon, ça c'est du flan et c'est juste la couverture. En fait, je crois pas. Il y a une espèce de conflagration extrêmement étrange, qui peut se produire, qui est peut-être aussi assez typique des idées libertariennes, parce qu'encore une fois, elles sont très très libérales en économie, mais aussi sur les questions sociales. Donc une espèce de convergence assez étrange, à mon avis très hybride, mais qui peut se faire entre des préoccupations finalement assez humanitaires, assez voire même sociales, et disons le soubassement idéologique qui lui a absolument rien à voir à ça, qui est plutôt darwinien dans l'essence. Vous le savez, en janvier dernier, le pays a signé un accord avec le Seasteading Institute pour des études de faisabilité d'un projet d'île flottante au large de la Polynésie. Ce projet consiste à construire des plateformes flottantes économiquement indépendantes qui accueilleraient des chercheurs, des scientifiques et des industriels. Demain, mardi et jeudi, le Seasteading Institute organise à l'hôtel Le Méridien Tahiti la première conférence internationale sur les îles flottantes. Une trentaine d'experts locaux et internationaux viendront présenter au public les détails de ce projet. Le gouvernement lui a donné le feu vert. L'organisation américaine va lancer ses études économiques et environnementales. L'Institut Seasteading veut bâtir 3 îles artificielles. Des plateformes flottantes, habitées, totalement indépendantes de la terre ferme. Une première mondiale qui offrirait à la Polynésie un rayonnement international, en plus de lui garantir plus de sécurité face à la montée des eaux. C'est Mark Collins, ex-ministre du Tourisme, qui porte le projet. 3 prototypes pourraient voir le jour d'ici 10 ans. Un nouveau modèle de territoire propre et indépendant. On a les plus grandes sommités mondiales, en termes d'infrastructures flottantes, en termes d'énergie renouvelable, en termes de traitement des eaux, en termes culturels aussi. Comment ça va s'inscrire avec notre culture ? Des îles qui dépendraient juridiquement du territoire avec moins de taxes et qui abriteraient des petites communautés de start-up innovantes et totalement libres politiquement. Peu d'impôts et une démocratie citoyenne avec toutes les nouvelles technologies pour protéger l'environnement. Une sorte de petite Silicon Valley polynésienne, flottante. Nicolas Germineau, Blue Frontiers. Pourquoi la Polynésie française ? Alors en réalité c'est assez compliqué de mettre en œuvre toutes ces technologies et de partir avec quelque chose, un produit vraiment parfait, la version finale, non, on commence jamais par la version finale, on commence toujours par une version 1 qui s'améliore au fur et à mesure. Et pour l'instant on sait vivre en pleine mer, on sait y rester, on sait faire tout ça, on sait y acheminer internet, on sait faire, vraiment il n'y a pas de souci. Le seul problème c'est qu'on ne sait pas faire pour l'instant, en tout cas assez difficilement, à des prix raisonnables et avec un confort suffisant pour les habitants. Quand je parlais du fait qu'on sait faire, pour l'instant, je pense aux plateformes pétrolières, par exemple, ou aux centres de recherche qui peuvent être parfois installés en pleine mer, mais souvent, c'est assez peu confortable. C'est très cher à mettre en œuvre, évidemment. C'est pour ça que les plateformes pétrolières peuvent se le permettre, mais en général, pas plus. Et acheminer Internet, les débits Internet par satellite sont très compliqués, c'est assez faible comme débit, le taux de latence est très élevé, c'est quand même assez compliqué. Donc nous, ce que nous souhaitions faire, c'était trouver une nation hôte qui nous permettrait d'abaisser finalement cette espèce de barrière immatérielle qui rend la chose assez compliquée et assez peu démocratique quelque part, parce qu'on a du mal, vraiment à attirer autant de gens qu'on le souhaiterait lorsque les prix sont pharaoniques. Donc nous souhaitions avoir des prix qui puissent être relativement abordables pour une bonne partie de la population. Nous souhaitions avoir un débit Internet qui permette d'y implanter des start-up et puis des entreprises de manière générale qui puissent utiliser Internet comme les entreprises à Paris, comme les entreprises un peu partout ailleurs, donc sur les mêmes conditions d'accès. Ça, en pleine mer, c'est encore très compliqué, mais avec les câbles de fibre optique, ça devient possible. Et la Polynésie française nous offrait tout ça. Il y a déjà un câble fibre optique qui arrive en Polynésie française. Pour le tirer jusque dans le lagon, puisque notre projet se situe dans un lagon de la Polynésie, c'est assez simple. Dans le lagon, nous avons des eaux calmes et protégées. Ça nous permet de ne pas avoir à faire des structures véritablement gigantesques qui puissent résister à la saut des vagues et qui puisse être confortable. Et lorsque nous sommes dans un lagon protégé, donc en Polynésie française, il y en a beaucoup de lagons, hein, ça c'est certain, c'est pas ce qui manque, nous avons la possibilité d'abaisser nos coûts d'ingénierie d'autant et de rendre la chose confortable finalement. Et puis, c'est pas négligeable, on imagine qu'une cité flottante ou une structure flottante, elle peut être attaquée par des pirates. Oui. Elle a sa propre police intérieure à créer, parce qu'on imagine qu'une ville avec 500 habitants, 1000 habitants, il y a des questions de justice et de police qui peuvent se poser. Là, finalement, être accueilli par la Polynésie française, ça règle la question de la justice et de la police, par exemple. Tout à fait, absolument. Nous parlions au début, effectivement, d'expérimentation sociétale, mais c'est pareil. Là aussi, il faut commencer avec une version 1, j'ai envie de dire, quelque chose de vraiment humble et puis qui fait des petits pas et non pas des grands bonds. Et en l'occurrence, pour la police et l'armée, pour les pirates et puis les criminels de manière générale, nous avons la chance en Polynésie française d'avoir donc les services de l'État qui nous permettent effectivement d'avoir une sécurité publique tout à fait haut de gamme. Donc c'est vraiment c'est bien pour tout le monde. Et cette collaboration avec la Polynésie française nous apporte des bases très solides au niveau donc, de la justice, au niveau réglementaire. Donc nous avons déjà, parce que la Constitution française a été testée au travers des âges, donc c'est vraiment une fondation très solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et nous avons, grâce à la Polynésie française, cette chance finalement d'avoir un socle très solide, à la fois donc, aussi pour l'acheminement des matériaux, puisque nous avons un port très important donc, à Papeete, la capitale de Tahiti, en Polynésie française. Nous avons vraiment des entreprises sur place qui nous permettent de répondre à tous nos besoins finalement. Donc nous commençons à tester les eaux, j'ai envie de dire, quelque part, à faire des petits pas en ce sens, mais nous partons avec vraiment des atouts considérables grâce aux structures existantes en Polynésie, que ce soit législatif, que ce soit matériel. Jean-Christophe Bouissou, vous êtes ministre du logement du gouvernement polynésien. En mai dernier, vous êtes allé à San Francisco rencontrer les dirigeants du Seasteading Institute pour signer ensemble un recueil d'intentions réciproques pour commencer à étudier un projet de structure flottante dans un des lagons de Polynésie française. Alors, vous savez, nous prenons la question de l'environnement et de la situation climatique très au sérieux. Nous ne sommes plus dans le domaine de la spéculation en ce qui nous concerne. Pour les populations de la Polynésie, nous vivons aujourd'hui la montée des eaux. Bon, imaginons, si ce que les scientifiques nous disent s'avère exact, nous aurions sur les 100 ans qui viennent une montée d'à peu près 1 cm du niveau de l'océan chaque année. Ce qui veut donc dire que dans 100 ans, nous serons à plus 1 mètre. Appliqué à la Polynésie, plus 1 mètre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus de ville de Papeete, il n'y a plus de maison sur le littoral, il n'y a plus d'atoll, donc on voit disparaître d'un seul coup 80 îles de toute la Polynésie qui est composée de 121 îles. Et nous sommes dans cette situation-là. Alors, lorsque on considère que finalement ce projet, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un projet qui va catalyser l'ensemble des techniques et des connaissances que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas tant la construction d'une ville flottante qui fait fantasmer beaucoup de gens, que de réunir l'ensemble de ces acteurs et de ces gens qui sont des précurseurs pour démontrer que nous pourrions faire autrement par rapport à notre attitude et nos comportements sur le plan de la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Polynésie française est une collectivité française. Donc nous avons des institutions, nous avons une intégrité territoriale. Et il est bien clair qu'il ne peut pas y avoir d'autres lois qui s'appliquent à toute société qui viendrait à s'établir à l'intérieur du périmètre de la Polynésie française. Et en cela, on se débarrasse de certains préjugés ou de certains questionnements sur est-ce que la Polynésie française va autoriser un État, indépendant à pouvoir se constituer à l'intérieur même de son domaine. Donc de ce côté-là, les choses sont claires. Nous avons eu des discussions avec eux, nous avons expliqué très exactement comment les choses fonctionnent dans notre pays et que dès l'instant où le projet s'établit chez nous, il est bien sûr pas question de partir dans d'autres considérations, de certaines philosophies ou certaines idées de créer des sociétés à part. Ça n'empêche qu'ils sont évidemment libres de leurs intentions et de la formule qu'ils souhaitent adopter. Mais en ce qui nous concerne, le cadre est bien défini. Ce projet qui devait se développer dans les eaux internationales, finalement c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de s'ancrer si profondément et de ne pas subir la houle. Puis finalement on ne va peut-être pas aller se mettre en Amérique du Sud parce que c'est trop instable politiquement et c'est quand même du point de vue de la police, de la justice et de la défense, la France est quand même plus armée. Enfin, il y a une espèce de baudruche qui se vide d'un coup d'un seul. C'est assez typique des libertariens et je... Et j'ai envie de dire que c'est normal, parce que de toute façon, ce sont des utopistes. Et d'une certaine manière, j'aurais tendance pour ma part à étendre ça d'une manière plus générale au capitalisme. Je crois qu'il faut être capable de percevoir à quel point le capitalisme est une utopie. Parce que, évidemment, le discours traditionnel, c'est de dire le capitalisme, c'est soit c'est inscrit dans la nature humaine, et ou c'est le choix du pragmatisme. Pas du tout, hein, le capitalisme à l'état pur, tel que donc le rêve libertarien, c'est une utopie. Qui, à chaque fois, comme, me direz-vous, d'autres utopies dans d'autres secteurs du champ politique ou du champ des idéologies politiques, qui se heurte au réel et qui est obligé de composer avec le réel en permanence et de plus en plus. Et effectivement, comme vous le dites, à chaque fois, la baudruche se dégonfle. Donc, on envisage des sociétés sans État, mais on se rend bien compte que sans État, qui va être là pour gérer les infrastructures, que le capitalisme dérégulé, on va se retrouver sans rue, sans une répartition du travail, une gestion de l'éducation, on va se retrouver avec une population entière de gens qui rêvent d'être milliardaires dans leur garage en tripatouillant des ordinateurs et personne pour leur apporter du lait. Hein. Bon. Donc, à chaque fois qu'ils essayent d'avancer dans leur projet, ils se heurtent à un nouvel élément du réel, et le réel en général c'est ce qu'il dit non, c'est ce qu'il dit non, ça va pas pouvoir se passer comme dans tes rêves, et ils font un pas en arrière. Donc là effectivement le pas en arrière c'est de dire finalement on va peut-être sous-traiter à l'État français quelques-unes des fonctions que pour l'instant on n'a pas encore réussi complètement à implémenter dans notre projet de société, et puis finalement les eaux internationales d'un point de vue infrastructurel c'est peut-être un tout petit peu compliqué, la Polynésie il y a du soleil, c'est sympa, les gens sont... Voilà. Si on parle de fiscalité, l'idée c'est quand même de créer une forme de zone franche économique, c'est bien ça ? L'idée c'est... Le deal il est aussi fiscal. Le deal d'abord, il est économique pour nous. La Polynésie souhaite résolument procéder à sa transition numérique et rentrer dans le digital. Donc, si vous voulez, cette transformation nécessite aussi la création d'incubateurs, de centres qui sont de véritables totems, si vous voulez, avec des conditions très favorables d'implantation pour permettre, à ces nouvelles technologies de pouvoir se mettre en œuvre. Lorsque je vois l'étendue des entreprises, des start-up qui souhaitent s'associer à ce projet parce qu'il y a un gouvernement et il y a un pays qui accueille et qui veut croire, je dirais, dans la réalisation de ces projets, de ces techniques. Alors à ce moment-là, ce qui nous intéresse avant tout, c'est quels sont les bénéfices pour les Polynésiens. Si nous devons, à un moment donné, considérer les aspects fiscaux, prenons tout simplement un raisonnement par l'absurde. Si nous ne souhaitons pas qu'ils viennent, de toute manière, il n'y aura pas de rentrée fiscale pour le pays. Donc, partant de ce principe, et si nous pouvons créer des emplois, nous opterions déjà favorablement pour aller dans ce sens. La deuxième chose, c'est que nous avons la compétence en matière de fiscalité. Nous n'avons pas besoin de demander au président de la République, au gouvernement, ni au ministre des Finances ou du Budget de nous concocter une loi. Nous avons cette compétence au niveau de la Polynésie française et nous l'avons déjà fait. Nous l'avons fait, il fut une année, sur une île pour permettre l'implantation d'entreprises. Ce qui veut donc dire demain que si nous souhaitons nous affranchir d'un certain nombre, je dirais, de règles fiscales, par exemple l'impôt sur les sociétés ou la non-application de la TVA, non-application des droits et taxes douanières, etc., non-imposition sur les droits de mutation, etc., nous avons la capacité de le faire. Là, il va y avoir non seulement de l'habitat, mais il va y avoir aussi des services, des crèches, donc il va y avoir des écoles, il va y avoir Jacques Rougerie, architecte. Des équipements culturels et de loisirs. Donc à chaque fois, on va panacher avec des matériaux différents pour donner des harmonies qui s'adaptent le mieux entre la culture polynésienne, comme je disais tout à l'heure, et projeter dans le futur, donc faire une architecture qu'on ne voit nulle part ailleurs, puisqu'on veut vivre autrement. Donc il faut que le cadre de vie accompagne ce mode opératoire de vie en harmonie avec le milieu, avec ce milieu sous-marin. Donc il y aura des parties sous-marines, des visions sous-marines. Votre chambre ou votre salon aura une vision sous-marine. Vous voyez, les écoles, pour que les enfants aient une empreinte encore plus forte par rapport à ce respect de l'environnement et ces grands enjeux de demain qu'offrent les océans, la classe flottante aura sa vision sous-marine. Et en étant en pression atmosphérique, bien entendu, pour des questions de sécurité, sans rentrer dans les détails techniques. La technologie, soyons clairs, à l'heure actuelle, le permet. On est capable de construire tout ce qui vient d'être dit. Il n'y a aucun problème. Le seul problème... Je m'arrête juste là-dessus, parce que ça paraît... Moi, ça me paraît fou. Vous nous dites que ces structures flottantes rêvées par Blue Frontiers et le Sea Studies Institute, c'est possible. C'est-à-dire, comment c'est possible? On regarde aussi vos maquettes en 3D. Ce sont de magnifiques nénuphars végétalisés avec toute une partie sous-marine, un ancrage, une ancre, etc. Enfin, ça fait rêver en même temps. À quoi ça va ressembler? Il faut partir avec d'autres concepts. Voilà, d'autres... logiciel, comme on aime dire, il faut changer de logiciel et c'est possible. À l'heure actuelle, on peut créer ces structures dont je vous parle, puisque les maisons sous-marines, ça existe, les structures flottantes, on commence à en voir à Dubaï et dans différents endroits, on voit des hôtels apparaître, des hôtels sous-marins et ainsi de suite. Il faut savoir bâtir pour le futur. Je crois que ce dont on parle, c'est préparer le futur d'une autre façon, sur un autre mode de vie, un autre art de vivre. N'imaginez pas une ville avec une grande plateforme où le soleil ne pénètre plus en dessous, parce que qui dit lagon, qui dit coraux, dit ensoleillement. S'il n'y a plus de soleil, de pénétration du soleil, c'est évident que les coraux vont mourir. Donc il est évident que dès qu'on se penche sur cette problématique technologique, c'est la première chose qui vient à l'esprit, ça va de soi. Donc il faut voir quelque chose d'un maillage justement bionique et non pas des plateformes carrées, cubiques et ainsi de suite. Donc c'est des maillages qui font que le soleil passe à travers et continue à perpétuer la vie. Voilà, donc la technologie est là. Les coûts, par contre, il faut être lucide, sont quand même plus chers que de bâtir sur Terre. Mais on vit autrement. Combien ça coûte? Combien de capitaux vous avez pour l'instant? Et d'où viennent ces capitaux? Je vais déjà vous répondre sur l'aspect capitaux de manière générale. Pour le projet pilote, nous estimons, ça va dépendre des choix finaux qui vont être faits, mais nous estimons que le coût du pilote pourrait être entre 40 et 50 millions de dollars. Pour l'ensemble donc du village flottant, du projet pilote, qui représenterait entre 200 et 300 habitants, comme je le disais tout à l'heure. À l'heure actuelle, nous avons réuni les capitaux pour faire les études que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui ont été remises au gouvernement. Ces études coûtent très cher, donc nous avons réuni à peu près 1 million de dollars pour faire tout ça, pour cette première phase du projet. Nous sommes en cours de levée de fonds pour réunir plusieurs autres millions de dollars pour continuer à faire avancer le projet, et après il faudra lever le reste. Mais on ne peut pas lever de capitaux sans avoir déjà cette assurance finalement que ce sera faisable. Et quand je dis faisable, je parle donc du cadre réglementaire qui pour l'instant est en attente, évidemment, pour rentabiliser les capitaux. Évidemment, on parlait tout à l'heure de la zone franche, entre guillemets. Pour l'instant, les zones franches, il y en a un peu partout, ça existe déjà, mais il n'y en a pas en Polynésie française. Donc, il va falloir que cette zone franche se mette en œuvre pour pouvoir après revoir les investisseurs. Peut-être juste pour un complément d'information par rapport à ce que vient d'annoncer Nicolas, c'est un rapport de un tiers par rapport à un prix d'un grand hôtel 5 étoiles polynésien. Voilà à quoi ça correspond. En termes de coût. En termes de coût par rapport à ce que Nicolas a évoqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est des budgets qui existent déjà, même au triple de ce qui a déjà été fait en Polynésie française. Je souhaite quand même rappeler aussi que la raison pour laquelle ce budget est assez raisonnable, entre guillemets, hein, comme vient de le rappeler Pascal, c'est parce que nous souhaitons vraiment démocratiser l'accès à l'habitat flottant. C'est pas du tout l'objectif de créer une espèce de projet de luxe où seuls les ultra riches peuvent venir habiter. L'objectif, c'est vraiment de réunir des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, et puis à terme, évidemment, n'importe qui souhaite acheter un appartement ou un petit bungalow flottant sur les îles flottantes. Et donc une mise sur le marché pour les logements à 5000 dollars le mètre carré. Alors, 5000 dollars au mètre carré, c'est les coûts de fabrication qu'on espère réussir à obtenir, mais ça dépend vraiment au final de ce qu'on va réussir à obtenir des fournisseurs divers et variés. Il y a encore quand même des choses qui n'ont pas été définies à 100%. Donc ça, c'est un coût sur lequel je préfère pas m'engager, mais c'est grosso modo les ordres de grandeur. Disons que les gens qui peuvent se permettre d'habiter à Paris, par exemple, pourront se permettre d'habiter sur les îles flottantes. Enfin, l'intérêt, c'est vraiment de faire un village flottant et pas quelque chose d'élitiste qui soit vraiment fermé, quoi. Est-ce que ces cités flottantes et ces micro-états nations flottants, ça serait pas aussi une manière pour les milliardaires de s'abstraire de ce monde ? Quel est cette utopie flottante s'adresse à tous et notamment aux pauvres ? Le premier truc qui saute aux yeux, c'est aussi un super bon moyen d'échapper à la taxation, quoi. Puisque les îles Caïmans, c'est mal vu, on va fabriquer notre propre île qui échappe non seulement aux taxes, mais à la régulation de l'État. Ça, je pense que c'est, si on pense à l'autre cofondateur du projet, Sistening, Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, c'est l'un des premiers gros investisseurs dans Facebook, un type très fortuné. Lui, ça, c'est quelque chose qui l'intéresse au premier chef. La défiscalisation ou l'exonération. La défiscalisation. Et l'idéal, et lui aussi, c'est quelqu'un qui fantasme, mais qui fantasme d'une manière beaucoup plus randienne, justement. C'est-à-dire faire échapper les vrais créateurs, les génies innovants, les vrais moteurs de la société l'emprise, à la prédation littéralement de l'État, hein, qui s'empare des richesses qui devraient légitimement être les leurs puisqu'elles sont le seul fruit de leur activité, hein, peu importe qu'éventuellement quelques ouvriers travaillent pour PayPal et Facebook, qui sont le seul fruit de leur activité, et qui les redistribuent à ce que Ayn Rand appelait des parasites. Thiel est d'ailleurs un admirateur inconditionnel et avoué de Rand. Donc, de ce point de vue-là, Le projet Sistending, du côté, si vous voulez, la composante Peter Thiel, c'est explicitement un prolongement et une tentative d'inscrire dans le réel la fiction randienne dans Atlas Shrugged. Donc cette idée que les grands chefs d'entreprise, les milliardaires, mais aussi les grands compositeurs, les grands inventeurs, etc., se retirent de la société, dans une société isolée, une contre-société en quelque sorte, cachée, où ils n'obéissent plus qu'à leurs propres lois, qu'ils décident entre eux, qui sont évidemment des lois de type libertarienne. Et c'est ça qu'il s'agit de recréer. Comme c'est pas possible, alors dans le roman, il se cache quelque part dans les montagnes rocheuses. Mais maintenant, il y a des satellites un peu partout. Donc on peut plus se cacher sur le territoire. Il faut aller sur les eaux internationales. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce lagon de Tahiti, à votre avis, une sorte de marina exonérée sur le plan fiscal? Ça me paraît l'hypothèse la plus probable. Une espèce de paradis fiscal avec un vague écran de fumée qui tiendra quelques années pour continuer à obtenir les fonds des gens qui croient dur comme fer à l'idéal libertarien de Seastanding. Donc effectivement, j'ai peu d'espoir pour eux que leur projet se concrétise à court, voire à moyen terme. Si je peux me permettre, pour conclure ce point, de citer quelqu'un que, pour le coup, j'aime bien parce que c'est un esprit brillant, qui est un libertarien. Donc je partage pas ses positions, mais il faut reconnaître que c'est un esprit brillant, qui s'appelle Murray Rothbard, qui, suite justement à l'échec catastrophique de l'opération Atlantis, avait dit, en 72, hein, il dit ça, je le cite, « Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'entends parler d'un nouvel Éden, d'une île naturelle ou artificielle qui vivrait de manière anarchique ou randienne. L'échec total et abject de toutes ces tentatives farfelues devrait envoyer un message à ses participants. Rejoignez le monde réel et combattez pour la liberté chez vous. » Mais pourquoi ? S'écria-t-elle. Pourquoi qu'êtes-vous en train de faire tous ? La grève, répondit John Galt. Ils se tournèrent tous vers lui, comme s'ils s'attendaient à entendre ce mot. En quoi est-ce surprenant ? Demanda Galt. Il n'y a qu'une catégorie d'hommes qui n'a jamais fait grève au cours de l'histoire. Toutes les autres se sont arrêtées, présentant leurs revendications au monde et prouvant qu'on ne pouvait pas se passer d'elles. Sauf les hommes qui ont porté le monde sur leurs épaules, qui l'ont fait vivre, qui ont supporté les pires affronts pour seul remerciement, sans jamais abandonner pour autant l'espèce humaine. Eh bien, leur tour est venu. Il est temps que le monde découvre qui ils sont, ce qu'ils font, ce qui se passe quand ils ne veulent plus jouer leur rôle. C'est la grève des êtres pensants, Miss Taggart. La matière grise est en grève. La grève, Ayn Rand. 1957. Bernard Toulier, historien de l'architecture. Dans le XXe siècle, pendant l'entre-deux-guerres, des riches collectionneurs ou de riches industriels imaginaient de vivre des Robinsonnades. Et donc ces Robinsonnades, pourquoi ne pas les faire dans des îles ? Mais les îles sont encore trop proches de la réalité. Donc l'île flottante permet d'avoir une transparence et pas d'adresse du tout. Et c'est ce sens-là qui est aussi, à la même époque, c'est pas pour rien que dans les années 30, on a des îles flottantes qui s'appellent des grands paquebots. C'est des grands édifices de croisière sur lesquels on peut vivre pendant des mois et des mois sans savoir vraiment où on est. On est entre deux continents, on est avec une société mais sans l'être vraiment, on peut revenir chez soi, on peut jouer au casino mais en même temps écouter de la musique, etc. Donc on a là ou des îles flottantes pour des Robinsonnades en groupe, ou des îles flottantes seules. Et la meilleure île flottante encore aujourd'hui, qui est dénoncée par des principes fiscaux aujourd'hui, ce sont les yachts flottants, qui sont aussi des îles flottantes. Et donc, comme quand un grand industriel est pris avec son yacht dont on ne sait pas où il est immatriculé, on sait quand même le localiser parce qu'il y a des GPS partout maintenant, et on sait qu'il est aux alentours de Monaco, mais on ne sait pas où il est exactement, s'il est au Baléares, à Monaco vraiment, ou éventuellement ailleurs, peu importe. C'est la non-localisation qui est aujourd'hui le grand luxe. Le luxe, c'est pas d'avoir un yacht, c'est de ne pas avoir d'adresse. C'est-à-dire d'être mondialisé sans être localisé. Et je crois que c'est un de ces luxes-là qui est réservé à certaines personnes. Donc soit ce sont des réfugiés climatiques qui sont vraiment les plus pauvres des pauvres, qui n'ont même plus de lieu, ou des gens qui ont déjà 10 hôtels particuliers, Megève, les appartements partout, mais qui doivent avoir pour leur standing un lieu de non-lieu. C'est ce lieu de non-lieu qui est le plus grand luxe aujourd'hui sur la planète. C'était Silicon Valley sur mer, avec Joe Quirk, Patrick Friedman, Stéphane Legrand, Bernard Toulier, Nicolas Germineau, Pascal Hérel et Jacques Rougerie. Lecture et voix, Agathe Chouchan, Mathieu Conquet, Olivier Chomel. Prise de son, Benjamin Thuo. Mixage, Valérie Lavalard. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Camille Jusa. The price. I'd rather be praying to the Grim Reaper than the Law Keeper. I'm running out of time. Too late to waste time and haste. I fell on my knees to pray to your God, but your God wasn't there for me. I saw a victim myself, a long life of stamina. I do believe I was starting to lose my nerve and my mind. I heard a little voice screaming, if you do the crime, you must handle the time. If you do the crime, you must handle the time. If you do the crime, you must handle the time. Shit, I won't bow out to that. The belly of the beast doesn't have its LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous exiler, bibliographie, lien, nous podcaster pour le lendemain de Noël ou nous réécouter sur votre yacht, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, Dessine-moi une prison. Et pendant deux semaines, en lien avec l'Utopie, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film de Dominique Cabrera, Chronique d'une banlieue ordinaire. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.